Vous écoutez C'est Fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez c'estfou.ca. Rassemble un truc pour toi aujourd'hui. C'est toujours Assemblage requis et c'est le moment maintenant où on n'est plus seul, toi et moi, Mathieu. On accueille Simon Fitzbay pour sa chronique Police Dead. Wow. Toujours aussi spatial comme thème, c'est génial. D'ailleurs, spécial. C'est le thème de Doctor Who et dimanche soir, il va y avoir un spécial de Doctor Who à la BBC. C'est génial. C'est pour les fans, mais je crois que je suis le seul au Québec qui aime ça. Non, arrête ça. Ça joue pas en français quelque part? Oui, ça joue à Canal Z. Mais c'est en retard d'un an, mais en fait, il n'y a pas beaucoup de fans de Doctor Who au Québec. C'est malheureux, un jour, peut-être dans 5-6 ans, c'est toujours ça. C'est un show culte, pourtant, en Angleterre. Ça existe depuis des décennies, tout ça, oui, là, il y a des versions. Les années 60, c'est vraiment génial. L'histoire est très, très, très variée. Mais ce n'est pas de Doctor Who qu'on parle aujourd'hui, et non, malgré non. tout. On parle, en fait, j'ai fait un lien un peu avec les sorties culturelles qui vont avoir lieu très bientôt. Il y a un film qui se nomme Pirate Radio qui va prendre l'affiche, si je ne me trompe pas, cette semaine, avec entre autres Philip Seymour Hoffman qui joue là-dedans. Et ça raconte l'histoire d'une station de radio pirate qui voit le jour sur un bateau dans les années 60, alors que la BBC, qui était la British Broadcasting Company, interdisait en fait la musique populaire rock sur ses ondes, et il y avait un monopole en Angleterre, et donc on a décidé de s'en aller sur les eaux internationales pour faire passer du rock and roll. Et donc j'ai dit pourquoi ne pas me baser là-dessus, puisque ce sont des faits réels. Il y a eu des radios pirates un peu partout dans le monde, mais je vais surtout me concentrer sur l'Angleterre, justement, parce que c'est un sujet un peu plus touché. Il y avait des raisons générales pourquoi qu'on a eu des radios pirates là-bas. Donc, cette idéologie de rébellion que promouvoit le rock and roll se répercute dans plusieurs domaines connexes qui rejoignent de près ou de loin l'auditeur. C'est habituellement l'habillement, les écrits qui se rattachent aussi à la façon de parler. Le rock and roll, c'est pas une mode, mais bien un style de vie pour la plupart des gens. Le médium, quant à lui, porte aussi cette pensée de rébellion et d'originalité. On retrouve entre autres dans les pochettes de disques ainsi que dans les articles de magazines et dans les vidéos, c'est cette mentalité toujours aussi rebelle des rockers. Et la radio commerciale, tant qu'à elle, qui est quand même un médium important pour la musique, se retrouve souvent formatée et réduite à diffuser les pièces de l'heure qui sont populaires et qui vendent dans les magasins. On parle des grandes radios généralistes. Et donc, elles sont souvent soumises aussi à la volonté des directeurs déconnectés des réalités musicales. Et ces phénomènes donc amené plusieurs fans de musique et animateurs de radio à se rébeller contre l'establishment et de diffuser de différentes façons la musique qu'ils aiment sans restriction de la part des patrons de la Tower of Power. Ils étaient des pirates qui pratiquaient leurs arts dans la plus grande liberté pour l'amour de la musique. Et là, pour se situer dans le temps, on est entre les années 1930 et 1970 à peu près. Donc, on va débuter tout de suite avec le cas de l'Angleterre, donc la royaume de la BBC. Dans le monde de la radio pirate, on retrouve beaucoup de stations en Angleterre, principalement dévouées à diffuser du rock and roll, alors que la BBC, qui est la maîtresse des ondes, interdisait la diffusion de la musique populaire. La BBC, qui avait le monopole des ondes radiophoniques entre 1920 et 1973. En fait, on a créé la British Broadcasting Company, qui s'occupait de la radio pour étendre les ondes un peu partout en Angleterre, puisque la radio est un nouveau médium. Et on avait besoin donc de fonds importants pour installer, entre autres, des tours de diffusion et aussi pouvoir propager la radio. Donc, on a décidé de fonder une compagnie gouvernementale pour pouvoir l'installer. Mais comme c'était un véritable monopole, il était impossible d'avoir une station de radio autre que celle par le gouvernement sur le territoire de l'Angleterre. Et ils avaient la fâcheuse habitude de diffuser une musique qui n'était pas populaire, surtout axée sur l'éducation et sur une classe plus élevée. Donc, on voulait des gens très bien élevés. Donc, on s'attaquait beaucoup à la scolarité. Il faut remonter aux années 20 pour voir les premières radios pirates apparaître en Angleterre, ou plutôt à l'extérieur de celle-ci, parce qu'on n'avait pas le droit d'avoir une station de radio à l'intérieur de l'Angleterre qui n'était pas de la BBC. Donc, le Daily Mail est le premier média opéré à l'extérieur des limites de l'Angleterre et ils étaient situés dans les Pays-Bas. La station diffusait au Royaume-Uni et a gagné de la popularité malgré les nombreuses plaintes des Hollandais, eux-mêmes, donc les habitants du Pays-Bas. Donc, ils se plaignaient parce que c'était une station de radio qui diffusait en anglais alors qu'eux ne parlent pas l'anglais, c'est plutôt germanique comme langue. Et donc, aussi la BBC qui appelait au boycott de ces stations puisqu'elles étaient vues comme illégales dues au contenu hors format. Plusieurs annonceurs ont commencé à acheter de la publicité à ces stations-là. Et c'est en 1931 que s'est formée la International Broadcasting Company, la EBC, qui est rivale directe de la BBC par le capitaine Leonard Plugge. L'antenne était située sur un bateau dans les eaux internationales, ce qui empêchait les autorités de sévir. On a vu, entre autres, dans les Simpsons, on peut faire plein de choses dans les eaux internationales, marier un homme et une vache, des choses comme ça, c'est vraiment génial. Donc, ensuite, il y a eu aussi une radio continentale qui se nommait Radio Luxembourg. Cette station-là est considérée comme une des premières radios pirates ayant une forte influence sur les auditeurs. C'est une station qui était située dans le vaste duché du Luxembourg qui était d'abord utilisée pour... C'était une antenne qui était utilisée pour diffuser les concerts militaires aux habitants de la région. Et dû à la situation géographique intéressante du Luxembourg, c'est en plein centre de l'Europe occidentale, François Haneux, qui est créateur donc de Radio Luxembourg, s'est inspiré de l'expérience de Plugge avec la EBC et a décidé de créer la Luxembourg Broadcasting Company, qui commence à diffuser au Royaume-Uni ainsi qu'en Irlande en 1932. Donc, ils avaient une antenne de 200 kW, ce qui était à l'époque quand même assez gros. Et donc, elle pouvait se rendre jusqu'en Angleterre. En 1940, ils ont dû fermer malheureusement la station, garder la neutralité du territoire du Luxembourg. Et lorsque les nazis, en fait les Allemands, ont envahi le Luxembourg en 1940, ils ont réouvert la station pour faire de la propagande. Ensuite, on s'est envolé la balle, les alliés ont envahi en 1944 et se sont mis à diffuser de la propagande pro-américaine et contre les nazis. En 1946, elle a repris ses activités commerciales, toujours dans la piraterie des ondes radiophoniques, et elle a continué à diffuser jusqu'en 1992. Donc maintenant, c'est vraiment la radio sur laquelle le film est inspiré, ce film Pirate Radio, et on parle ici de Radio Caroline, les vrais pirates du rock'n'roll. Donc, il n'existe pas de pirates plus mythiques que les animateurs de Radio Caroline. Fondée en 1964 dans le but de diffuser de la musique rock'n'roll populaire qui était interdite par la BBC, deux stations de radio diffusent à partir du bateau Mi Amigo et du Caroline. La station débute à transmettre le dimanche de Pâques 1964 à midi et c'est Chris Moore qui est à l'antenne de cette première transmission. On retrouve également à l'antenne le désormais légendaire Johnny Walker ainsi que Tom Lodge qui sont des animateurs de radio encore très connus en Angleterre et Tony Blackburn qui a participé à plusieurs radios pirates. Et Jean-Loup évidemment aussi. Jean-Loup faisait Jean-Loup, son remote au B4. C'est ça, au B4 avec son micro dans l'aquarium. Exactement. D'accord. Oui, il y avait Patrick Groux dans cette scène-là. Oui, c'était carré, ça, oui. Ouais, je me rappelle. Excusez. Bon. Donc, le but c'est de la Radio Caroline, c'était très, très simple, c'est de déréglementer les lois de communication afin de permettre la variété radiophonique et éloigner des règles dures, donc du formatage de la BBC. Cette station-là est à l'origine des succès radio de nombreux groupes anglais puisqu'ils n'étaient pas diffusés pantoute, c'est Jean-Loup ça qui m'inspire. Il n'était pas diffusé pantoute sur les ondes de la BBC. Les pièces étaient trop longues ou c'était pas le formatage qu'on voulait. On passait beaucoup de pièces d'Elvis Presley et du rock'n'roll américain. Il n'y avait pas de rock'n'roll anglais qui jouait sur les ondes de la BBC. Donc, on peut entendre les Beatles, les Rolling Stones, The Hollies, The Who, The Kinks ainsi que bien d'autres groupes qui malheureusement ne pouvait pas paraître à la BBC. Il jouait aussi l'intégralité des pièces malgré la longueur de celle-ci, entre autres la pièce House of the Rising Sun qui fait 6 minutes. Et à cette époque-là, c'était inconcevable de passer ça à la radio. Il y a encore des radios commerciales aujourd'hui qui refuseraient de passer des pièces aussi longues. Et justement, parlant de pièces, on peut aller en écouter une dès maintenant. C'est la pièce Heartful of Soul des Yardbirds, donc une pièce de 1964 ou 65, je crois. Vous êtes avec Simon The Cat Fitzbé. The Cat? Le Cat, comme le Cat Charest, come on! Oh! Cat le Cat Charest! Oh mon Dieu, ouais, merci, c'est gentil. Blasphème. Sick and hard and lonely, Il n'y a pas juste des vieux de Gracie dans la vie aussi. Ils pourraient ramener vrac et rétro. Ouais, ça serait chouette. Ça. Mais justement, il y a des vieux de Gracie qui jouent du soir. Ouais. Que c'est bien, mais il pourrait avoir beaucoup d'autres choses qui joueraient. Ça serait très chouette. Zone de turbulence, tu sais. Tout ce qu'il y a du fluo. Les intrépides, faudrait ramener les intrépides. Oui. Hey, ça joue en anglais, ça, les intrépides, à un moment donné. Doublé. Oui. Chambre en ville en anglais, sous-titré aussi. Hein. Tout ce qu'il y a du fluo et des permanentes, ils devraient tout ramener ça à télé. Ah, ça revient à la mode. Ouais, c'est ça. Je préfère pas ça comme du neuf, ce serait de la récupération. Mais bon, je pense qu'on s'égare un peu. Ouais, un petit peu. Donc, on parle des radios pirates dans la chronique Paul is Dead qui se déroule dès maintenant. On vient d'entendre la pièce Artful of Soul des Yardbirds. Donc, Yardbirds qui est le groupe qui a abrité, entre autres, Eric Clapton, Jeff Beck ainsi que Jimmy Page en son sein en tant que guitariste. Donc, justement, c'était un exemple de ces groupes qui, malheureusement, n'avaient pas de... Il n'était pas diffusé à la British Broadcasting Company parce que c'était de la musique trop populaire et donc ça incitait les jeunes à la rébellion et on voulait pas ça. Donc on passait de la belle petite musique formatée ainsi que des programmes académiques surtout. Et c'est pourquoi que les radios pirates ont pris donc l'assaut des ondes. Et ça avait tellement d'impact les radios pirates que justement Johnny Walker en entrevue disait que donc ils étaient sur le long des rives d'Angleterre parfois et il y avait les jeunes qui arrivaient avec leur voiture qui allaient écouter justement la radio pirate et ils disaient à tout le monde bon allumez vos lumières, toutes les lumières de voiture s'allumaient sur la plage, ils disaient fermez, tout se fermait, il y avait vraiment un impact, il était près des gens, c'est ça qu'ils aimaient vraiment avec comme, ce style de radio. Comme Jean-Marc Parent dans le fond. Exactement, ouais. Il les faisait flasher mais bien avant Jean-Marc Parent, les années 1965-66. Je pensais que c'était un précurseur. Hein, Jean-Marc Parent il a tout inventé. Donc, cette station, justement, Radio Caroline, qui a été la plus influente au niveau des radios pirates, s'est montrée perspicace dans ses efforts alors qu'elle a contourné la loi de 1967 qui interdisait la diffusion maritime à l'extérieur du pays, donc les ondes ne pouvaient plus rentrer. Ils sont allés se cacher, en fait, dans les mers entourant les Pays-Bas où la législation était plus floue, donc on pouvait continuer à diffuser. Et malgré les tempêtes, les lois et les essais de la part de la BBC pour fermer la station, Radio Caroline survit pendant de nombreuses années. En fait, ce monopole de la BBC s'est terminé en 1973. Mais par contre, Caroline a continué à diffuser et le Mi-Amigo, qui était le bateau qui restait, en fait, il y en avait deux au début et le Mi-Amigo était le dernier. Il a coulé le 20 mars 1980 en moins de 10 minutes. C'était un bateau qui était âgé de 60 ans, qui n'avait pas été nécessairement entretenu comme il le fallait. Donc, ils ont continué à diffuser jusqu'à temps que le bateau coule. Il y avait l'antenne qui était très, très grande, qui était sur le pont du bateau, qui est restée sortie de l'eau quand même assez longtemps. Ils sont revenus très, très, très, très rapidement avec le bateau. nommé Ross Revenge, qui, depuis les années 80, en fait, qui a été le bateau de diffusion des années 80. Elle a été fermée pendant la majorité des années 90, mais Radio Caroline était de retour en 1999. Elle est revenue. Elle est maintenant diffusée sur Internet, satellite, ainsi que dans les ondes traditionnelles. Et elle est maintenant située sur la terre ferme, puisque le Ross Revenge est en réparation perpétuelle par des fans de la radio qui donnent du temps bénévolement à réparer le bateau, pour peut-être un jour, justement, le renvoyer sur les flots. Et la BBC, d'ailleurs, a même animé quelques émissions sur le bateau. Donc, il faut dire que les anciens animateurs se sont fait recruter par la suite par la compagnie d'État. Et il y a aussi Radio London, ça va être très, très rapidement. Wonderful Radio London, qui était aussi une radio pirate, qui a été inspirée fortement de l'expérience de Radio Caroline. Elle a diffusé entre 1964 et 1967 à bord du navire Galaxy, un ancien navire de la Seconde Guerre mondiale. Elle est surtout reconnue pour avoir eu en son sein l'animateur John Peel, qui allait devenir en 1967 animateur à la BBC et rapidement acquérir le statut d'animateur radiophonique légendaire. C'est des sessions Peel, ça. Exactement. Entre autres, grâce à ses Peel Sessions où il recevait les artistes de l'heure et il faisait faire pratiquement un concert en ondes. Et la radio London, été parodiée dans l'album des Who, The Who Sell Out, qui est paru en 1967. Et donc, on présentait le concept sur cet album-là d'une radio pirate qui se nommait Wonderful Radio London. Et il avait emprunté les jingles de la station, entre autres pour faire des petits arrêts dans l'album, des genres de petites publicités. Et on en parle aussi dans le film des Who, Quadrophenia, qui est paru dans les années 70. Et c'est en quelque sorte un hommage que le groupe rendait à ces stations pirates pour les remercier de leur combat pour la diffusion du rock'n'roll. La BBC, qui depuis a ouvert d'autres branches, d'autres stations, plus dirigées justement vers le rock'n'roll et les jeunes dans les années, fin des années 60, début des années 70. Et en guise de conclusion, donc on est déjà rendu à la fin, donc les pirates de la radio ont été des véritables visionnaires et qui ont consacré leur talent de communicateur à diffuser une musique nouvelle et populaire aux masses, en combattant la loi de formatage ainsi que la BBC. Sans eux, les Anglais n'auraient peut-être jamais connu les chefs-d'œuvre des Beatles, des Who, des Kinks et de plusieurs géants du rock. Ils sont des exemples à suivre pour toutes les stations voulant ressortir du lot et diffuser une musique différente permettant une diversité de styles, comme on le fait assez fou, si ben merveilleusement, oui, depuis des années. Donc, ce sont des ancêtres de la radio communautaire et universitaire, comme nous, justement. Mmh. Et ces stations sont des modèles qu'il faut observer, étudier et appliquer afin de protéger la liberté de l'art. Et, en fait, la liberté et l'art qu'est de faire de la radio. Art que vous faites si bien, messieurs. Ah. C'était un hommage à vous. Toi aussi, Simon. Merci, là, tu peux t'inclure là-dedans, je pense. Ah, ouais, ben, pas pire. C'est sûr que tu pouvais pas parce que ça aurait été prétentieux. Mais moi je te le dis, tu peux t'inclure là-dedans. Ah, ben, merci beaucoup. Merci. Je seconde. Bon. Ah, c'est gentil. Ouais. Tu sais, nous autres aussi, tu sais, je veux dire, c'est fou. Dans les années 50, ouais, quand on a commencé, à faire une radio pirate, là, Assemblage requis, tu te rappelles, années 50. Mm-hmm. Ouais, c'est comme si c'était hier. On leur a fait faire plein d'affaires au monde. Là. Le thème, c'était du Big Band. Là, oh, oui, c'est ça, ben oui. Le pont La Violette, là. Nos auditeurs qui ont construit ça. C'était nos antennes à l'époque. Ouais, c'est ça. Oui, donc le film, je crois qu'il tombe. En fait, je viens parler du film, j'ai même pas de. Les informations, en fait, je voulais plus parler du concept, mais le film donc sortira sur les marchés, pas sur les marchés, mais dans les salles, je crois ce vendredi. Il y a déjà des très bonnes critiques qui sont sorties et ça peut aider peut-être aux gens de comprendre un peu cette réalité qu'on avait dans les années 60. Il y en a eu partout des radios pirates parce qu'on avait des problèmes justement à diffuser la musique qu'on voulait. C'était comme maintenant on a des monopoles au niveau des grandes radios commerciales. C'est un peu grâce aux radios universitaires et pirates qu'on va avoir droit justement à une relève musicale. C'est nous autres qui emmènent ce qui vient nouveau. C'est nécessaire. Ouais, il faut bien. J'imagine que le public, ben, sûrement pas le public cible, là, mais sûrement que c'est le genre de film qui va intéresser les auditeurs de C'est fou, là, qui sont sensibles déjà à la différence puis l'émergence. Moi, j'invite tous les auditeurs à aller écouter ce film. Je vais aller le voir très, très rapidement, en fait, aussitôt que je vais pouvoir. Tu nous en reparles. Oui, certainement. À la radio. Je ferai ma critique la semaine prochaine. Parfait. J'ai hâte. Simon Fidoué, sa chronique Paul is dead. Ça fait plaisir et à la semaine prochaine. Oui, on se retrouve mardi prochain. Exactement. Merci.